Les participants au séminaire asiatique sur les idées du jutsu sous thème « La confiance en soi, clé de la souveraineté » ont adressé le 17 courant une lettre au dirigeant suprême Kim Jong-un. En voici le résumé. Au séminaire, les participants ont unanimement affirmé que la confiance en soi est la vraie méthode de combat pour appliquer les idées du jutsu développées universellement par l'éternel leader du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-il. Elles sont aujourd'hui continuées fidèlement par le camarade Kim Jong-un. La confiance en soi est la clé pour réaliser le vœu de tous les peuples opprimés et les idées du jutsu sont le guide garantissant la paix et le bonheur à toute l'humanité. La République populaire démocratique de Corée matérialise les idées du jutsu, obtient le développement dans tous les secteurs, industrie, agriculture, sciences et techniques en premier lieu, et progresse dynamiquement pour la prospérité sous la conduite sage de son dirigeant suprême malgré les actuelles difficultés. Les participants réclament catégoriquement au secrétaire général de l'ONU d'annuler la sanction onusienne contre la République populaire démocratique de Corée. Nous contribuerons au maximum au développement et à la prospérité de la région sous le drapeau des idées du jutsu dans le cadre de l'édification d'une nouvelle société souveraine.